C'est bien, on va avoir des morceaux longs pour se reposer aujourd'hui. Ça va être tellement bien. Ouais, je pose mon portable à partir de maintenant. Je suis couché à 3h, 4h. C'est vrai ? Ouais. C'était parce que tu voulais finir l'émission ? Bah, disons que j'avais pas grand chose. Il me restait R à faire, la chanson de R. Et j'étais, putain, il y a plein de trucs à dire, mais tout me paraît tellement dérisoire. Je sais pas. Je te propose un petit café pendant Warren G, parce que ça dure 4 minutes 12. Ouais, ok. Ouais. Et on fait la préparation pendant The Rapture, et on boit le café pendant Warren G. C'est bon. Ça marche, c'est un plan qui me plaît bien. Ça. Oh, Samuel Etienne a terminé le triathlon le plus difficile du monde. Qui ça ? Samuel Etienne. Non, parce que je suis le présentateur de questions pour un champion sur Twitter. Et comme il a une tête de gentil, bah, je sais pas. Samuel Etienne, c'est sûr qu'il ferait pas de mal à une mouche. Ah non, mais il a tellement une tête de gentil, c'est fou. Ah, je me suis fait mal en me tapant sur les pectoraux. Ça a son charme dans le côté beauf. Non, ça a son charme dans le côté hyper générique, tu vois. Hyper Triple X, le film avec Vin Diesel, tu vois. Et c'est Josh Homme, en fait, qui s'appelle. Pourquoi ? Bah, ça se dit Josh Homme. Ah ouais ? Ah, je vais dire Josh Homme, de toute façon. Alors... Woyoyoyo, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon. Woyoyoyo, woyoyoyo, Babylon. Woyoyoyo. Yo yo yo yo, Babylon, Ganja, Ganja, Babylon. C'est que je récupère ça. Ligger. J'adore la façon qu'il a de chanter. J'ai même pas marqué son nom, la honte.